Je vais faire un tour, j'enroule un, j'oublie tout. Je suis pas si boulet, trouve l'argent, ça n'arrête pas les coups. L'amour m'appelle, mais mon cœur est sourd. Un dernier FaceTime, puis la vie reprend son cours. Aucun billet ne sécheront tes joues pleines de larmes. Tu me cours après, mais je cours après milliers de dollars. Je réponds car je sais pas si tu me rappelleras. Je crois plus au coup de foot car il ramène l'orage. Je vois ma grand-mère quand je me regarde dans le miroir. Je vois son reflet, même plongé dans le noir. Je prends 10 ans ferme, rien n'est trop pour toi. Ce FaceTime est peut-être la dernière fois que je te vois. 2-3 millions et je vesque, flemme de la fausse modestie. Le vrai amour ne s'achète pas, mais quand tu l'as faut s'investir. Plus je m'habitue aux problèmes que l'argent amène, et plus je consomme ma bouteille, je dois l'acheter à la mer. Et si je me perds, je perds ma perle rare. Sans que le vent souffle, mais où ça mènera? L'argent, les femmes, tout ça me tire vers le bas. Et il en faut bien plus pour arrêter l'orage. Je vois ma grand-mère quand je me regarde dans le miroir. Je vois son reflet, même plongé dans le noir. Je prends 10 ans ferme, rien n'est trop pour toi. Ce FaceTime est peut-être la dernière fois que je te vois. Et je crie Mayday, Mayday, l'avenir a la raison. Je connais le chemin de la maison, j'ai juste perdu mes clés. Lumière du club m'éclaire, visage fermé, fermé. Vraiment fermé, fermé, pour elle je peux prendre peur, peur. J'en ai un arrêt sur image, même avec un filtre, la vie est moins belle sur FaceTime. Avant que tout s'arrête, je dois te dire une dernière fois, j'oublierai rien de tout ça. Je vois ma grand-mère quand je me regarde dans le miroir. Je vois son reflet, même plongé dans le noir. Je prends 10 ans ferme, rien n'est trop pour toi. Ce FaceTime est peut-être la dernière fois que je te vois. J'ai peur de te faire sonner, sonner.